Lover, loser, lover, loser. Je dégote une belle fille, elle m'embrasse, je tombe amoureux. Elle est la plus gentille du monde, alors que j'ai les poches trouées. Et puis je deviens bête et méchant. Et j'arrive à la perdre. Voilà. Je suis un lover, loser, lover, loser. J'ai pris le métro avec une de mes copines autistes et je l'embrassais. Devant tout le monde, je l'embrassais. Toutes les filles la regardaient un peu jalousement, j'avais l'impression. Du genre, regarde-la, celle-là, elle est autiste. Et pourtant, elle arrive à sortir avec un barbu mignon et qui a l'air gentil. C'est dégueulasse. Elles ont tout faux. Car ma copine autiste du métro est sensationnelle. Sensationnelle. Je suis un lover, loser, lover, loser. Yolène aime les bagatelles, mais moi je n'aime pas les putes comme elle, à embrasser mes potes quand elle est avec moi. Désormais, elle aime un dessinateur très talentueux. Je pourrais mal le prendre, mais ça va. Je sais que la vie est longue et qu'un jour, je rencontrerai la femme. La femme. La vraie. Je suis un lover. Loser, lover, loser. La poésie me fait un peu chier, je dois vous dire. On comprend rien et tout, c'est vague, diffus, ça s'écoute d'une oreille. Je préfère les choses claires. Par exemple, tout à l'heure, j'ai passé une demi-heure dans les rues de Metz à ne pas trouver de coiffeur. Un dimanche. Étonnant, non? Loïc me dit de ne pas y aller. Mais ça plaira mieux à Léa et à Megan. Ça plaira mieux à Megan et à Léa. À Léa, du direct. À Léa, du direct. Mais Mélissa m'a dit que j'étais violable les cheveux courts. Alors merde. Merde!